toi l'ennui, que tes pensées sont pour lui. Je voulais seulement t'expliquer comment les choses se sont passées. Tu sais, c'est le vent qui décide si les feuilles doivent mourir ou s'épanouir. J'ai pourtant tout essayé pour te garder près de moi. Le temps d'un week-end, d'un été, je croiserai ta destinée. Entre l'étoile et le carré, ce que nous désirons est vaste et nos serments trop passagers. La clairvoyance des dieux m'évitera bien des querelles. La mer s'éloigne lentement et dessine dans mes yeux la force du printemps. Puisque tu ne veux pas savoir par respect ce que je fais, le temps d'un week-end, d'un été, je croiserai ta destinée. Un week-end, un été, je croiserai.